إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتعوا عمل الشيطان. أو مسلمان serviteur d'Allah, l'imam muslim rahimahullah ta'ala rapporte dans son authentique selon un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné: le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a du bien. Recherche ce qui t'est profitable, recherche l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur t'afflige, si un malheur te touche, ne dis pas: si seulement j'avais fait ceci ou cela. Dis plutôt: tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car le mot si ouvre la porte aux sujections de Shaytan. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي المؤمن القوي خير وفي المؤمن الضعيف خير، لأن كل واحد منهما معه إيمان، ولكن خيرهما وأحبهما إلى الله تبارك وتعالى هو المؤمن القوي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous clarifie et nous explique dans ce hadith que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a du bien. En effet, mes frères et mes sœurs, il y a dans le croyant fort du bien et il y a dans le croyant faible du bien, car chacun d'eux possède de la foi, l'iman. Cependant, le meilleur d'entre eux et le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le croyant fort. المؤمن القوي هو القوي في إيمانه، القوي في توحيده، القوي في عقيدته، القوي في منهجه. المؤمن القوي هو القوي في تنفيذ الأوامر والنواهي، القوي في فعل الواجبات، القوي في فعل المستحبات، قوي في مسارعة الخيرات، قوي في المنافسة في الأعمال الصالحة، قوي في ترك المحرمات، قوي في ترك المنهيات. Le croyant fort, mes frères, le croyant fort, c'est celui qui est fort dans sa foi, c'est celui qui est fort dans son tawhid, c'est celui qui est fort dans sa croyance, c'est celui qui est fort dans sa méthodologie. Le croyant fort, c'est celui qui est fort dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui est fort dans le fait de s'éloigner des interdits. C'est celui qui est fort dans l'accomplissement des obligations. C'est celui qui est fort dans l'accomplissement des actes recommandés. C'est celui qui est fort dans le fait de se dépêcher à faire le bien. C'est celui qui est fort dans le fait de se concurrencer dans les œuvres pieuses. C'est celui qui est fort dans le fait de délaisser les choses illicites. C'est celui qui est fort dans le fait de délaisser les interdits. Al-mu'minul qawi wa dhaka al-mu'min al-qawi fi al-hifaz ala nafsi wa fi al-hifaz ala baytihi wa ahlihi qawi fi ghiratihi ala 'irdi qawi fi tarbiyatihi lil-awlad. Le croyant fort, mes frères, le croyant fort, c'est celui qui est fort dans le fait de préserver sa propre personne. C'est celui qui est fort dans le fait de préserver sa maison. C'est celui qui est fort dans le fait de préserver sa famille. C'est celui qui est fort dans le fait de préserver et d'éduquer ses enfants. C'est celui qui est fort dans le fait qu'il est jaloux pour son honneur. Ainsi est le croyant fort. المؤمن القوي ذاك الذي يكون قويا صاحب همة عالية ولو كان ذلك في الأمور الدنيوية التي يعود نفعها عليه وعلى المجتمع وعلى الأمة كلها فهو قوي في أموره الدنيوية قوي في تعلمه قوي في حفظه قوي في تفقهه في الدين قَوِيٌّ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا. Le croyant fort, mes frères, le croyant fort, c'est celui qui possède une grande motivation, même si cela concerne les affaires de cette dunya, dans lesquelles il y a un bénéfice pour lui, pour la société et pour la communauté tout entière. Il est fort dans les affaires mondaines, il est fort dans les affaires de sa dunya, il est fort dans son apprentissage de la religion, il est fort dans sa mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la mémorisation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est fort dans sa compréhension de la religion. Il est fort dans toutes ses affaires. Qawiyyun, qawiyyun fi saytarati ala nafsihi 'inda al-ghadab. Qawiyyun fi qadhmihi al-ghayth. Qawiyyun fi safhihi. Qawiyyun fi 'afwihi. Qawiyyun fi ihsanihi. قوي في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر قوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قوي في رده على الباطل وأهل الباطل وكشف عوالهم. Le croyant fort, mes frères, le croyant fort, c'est celui qui est fort dans la maîtrise de soi sous la colère. Le croyant fort, c'est celui qui sait contenir sa haine. Le croyant fort, c'est celui qui sait faire preuve d'indulgence. Le croyant fort, c'est celui qui est fort dans son pardon. Le croyant fort, c'est celui qui est fort dans sa bienveillance. Le croyant fort, c'est celui qui est fort dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le croyant fort, c'est celui qui est fort dans l'appel à la prédication d'Allah Azza wa Jal. Le croyant fort, c'est celui qui est fort dans la réfutation au faux et à l'égarement, et dans la réfutation aux gens du faux et aux gens de l'égarement. Et il est fort dans le dévoilement de leurs vices. Qawiyun fi istighfarihi, qawiyun fi tawbatihi, qawiyun fi rujuhihi ila Allah jalla jalaluhu. Hadha al-mu'min al-qawi, aliyul himma, qawiyun fi shu'nihi kulliha, mutabassirun وموفقون مسددون ولهذا كان أحب إلى الله تبارك وتعالى من المؤمن الضعيف والمؤمن الضعيف الذي ليست له همة عالية وليست له عناية تامة بالأمور سواء كانت الدينية أو الدنيوية. Fort, le croyant fort dans son pardon, mes frères. Croyant fort dans son repentir. Il est fort dans son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, mes frères et mes sœurs, ainsi est le croyant fort. Il a une grande motivation. Il est fort dans toutes ses affaires. Il est clairvoyant. Il est juste. Voilà pourquoi, mes frères, le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible. Le croyant faible, c'est celui qui n'a pas de motivation. Le croyant faible, c'est celui qui ne porte pas d'attention aux choses, qui ne porte pas d'attention complète à ses affaires, que ce soit ses affaires religieuses ou ses affaires mondaines. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله وهذا من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أتاه العلوم الكثيرة والمعاني العظيمة في كلمات قليلة يقال لها جوامع الكلم وهذا منها احرص على ما ينفعك واستعن بالله. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne « Recherche, recherche ce qui t'est profitable et recherche l'aide d'Allah azza wa jal. » Ceci fait partie des paroles concises, mais bénéfiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a donné à notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses connaissances. Et parmi celles-ci, des significations extraordinaires qui sont condensées dans peu de mots. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec quelques mots, il nous donnait des enseignements innombrables. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle en arabe « Jawami al-Kalim ». Et parmi ces mots-là, les mots dans ce hadith, où il nous dit « Recherche ce qui t'est profitable et demande l'aide d'Allah ». يبين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السديد والطريق القويم للمؤمن القوي الذي يسير عليه وهو بأن يحرص على ما ينفعه في عاجل أمره وآجله يحرص على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه وأخراه يحرص على ما ينفعه فيبذل الأسباب المباحة ويجتهد في تحصيلها مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى والاعتماد عليه. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a ensuite clarifié donc la méthodologie correcte et la voie juste qu'on doit suivre, que le croyant fort doit suivre, c'est le fait de rechercher ce qui est profitable dans ta vie présente et dans ta vie future. Tu recherches, mon frère, ce qui t'est profitable dans ta religion. Tu recherches ce qui est profitable dans ta dunya. Tu recherches ce qui t'est profitable dans ta akhira. Tu recherches ce qui t'est profitable et tu fais tous les efforts. Tu fais tous les efforts dans les causes permises afin d'atteindre ce qui t'est profitable. Et tu mets tout en œuvre pour les atteindre avec, bien sûr, la demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'en remettre à lui subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَعْتَمِدْ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ فَإِنَّ مَنْ يَعْتَمَدَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ وَنَسِيَ رَبَّهُ وَوُكِلَ إِلَى عَجْزٍ وَخَوَرٍ وَضَعْفٍ إنما تعتمد على نفسك بعد أن تستعين بالله وتلجأ إليه وتعلق قلبك به وتوكل عليه ثم بعد ذلك تحصل الأسباب وتجتهد فيها. Donc la personne, elle ne s'en remet pas uniquement à elle-même, car celui qui s'en remet à lui-même uniquement et qui oublie son Seigneur, alors il sera voué à l'impuissance. Il sera voué à l'impuissance. À la défaillance et à la faiblesse. Mais plutôt il s'en remet sur lui-même après avoir demandé, recherché l'aide d'Allah Azza wa Jal. Tu recherches refuge auprès de lui. Tu raccroches ton cœur à Allah Azza wa Jal. et tu mets ta pleine confiance en ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, après cela, tu accomplis les causes et tu fais les efforts dans ces causes-là. وتحرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك وبهذا تكون قويا فإن فاتك المحبوب أو أصابك المكروه بعد أن حرست على ما ينفعك واستعنت بالله تبارك وتعالى واعتمدت عليه ثم فاتك الشيء الذي كنت تريده وحصل لك ما تكرهه فإنك لا تعجز بل قل قدر الله وما شاء فعل. Ainsi, mon frère, tu recherches ce qui t'est profitable dans les affaires de ta religion, dans les affaires de ta dunya. Avec cela, tu seras fort. Et si tu rates ce que tu voulais, et si tu rates ce que tu désirais, et si tu es touché par ce que tu détestais, après que tu aies recherché ce qui t'était profitable, et que tu aies recherché l'aide d'Allah, et que tu t'es remis 100% à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne faiblis pas. Ne faiblis pas, mon frère. Mais plutôt tu dis, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَفَعَلْ. Tel est le décret d'Allah, et il fait ce qu'il veut. وَلَا تَلْجَا إِلَى تَحَصُّرْ ولا تلجأ إلى الجزع ولا تلجأ إلى رضا الشيطان فتقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان إذا فعلت الأسباب واعتمدت على الله وفاتك ما تريد وحصل لك ما تكره فإن هذا قد سبق في علم الله وقدره أنه لا يحصل لك المطلوب وأنه لا يحصل ويحصل لك المكروه فقل قدر الله وما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون. Et ne te réfugie pas, mon frère, dans le chagrin. Ne te réfugie pas, mon frère, dans la désolation. Ne te réfugie pas, mon frère, dans la satisfaction de Shaytan en disant si j'avais fait comme ça, alors ça aurait été ainsi et ainsi. Car le si, mon frère, le si ouvre la porte au Shaytan. Si tu fais les causes, et si tu t'en remets à Allah, mais tu rates ce que tu voulais, ou tu es touché par ce que tu ne voulais pas, alors sache que cela a été précédé dans la science d'Allah Azza wa Jal, et ceci a été précédé dans le décret d'Allah Azza wa Jal, dans son destin. Et si tu n'obtiens pas ce que tu veux, et s'il arrive ce que tu détestes, alors dis « قدر الله وما شاء فعل » Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dit, tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Et c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Wa illa fal ghalib ya ma'shar al muslimin an man harisa ala ma yanfa'uhu wa ta'ata al asbab wa ijtahada fi al hirs 'alayha wa i'tamada 'ala Allah wa tawakkala 'alayhi fa innahu yahsul lahu ma yurid. يفوز بالمحبوب ويسلم من المكروه هذه سنة الله في عباده فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فاحرص يا أخي فاحرص على ما ينفعك أيها المؤمن سواء كانت رجلا سواء كنت رجلا أو امرأة سواء كنت شابا أو شيبة احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك. Mais le plus souvent, mes frères et mes sœurs, le plus souvent, celui qui recherche ce qui lui est profitable, qui fait les causes pour cela, qui met tout en œuvre pour les atteindre, et qui s'en remet à Allah, et qui place sa pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il obtiendra ce qu'il souhaite. Et il réussira ce qu'il aime, et il sera préservé ce qu'il déteste. Ceci, mes frères, est la sunna d'Allah. Ceci, mes frères, est la loi d'Allah pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, au sens approché, jamais tu ne trouveras de changement dans la loi d'Allah et jamais tu ne trouveras de déviation dans la loi d'Allah. Recherche donc, mon frère, recherche donc, ma sœur, ce qui t'est profitable. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois un jeune ou un ancien, recherche ce qui t'est profitable dans tes affaires religieuses en premier et ensuite dans tes affaires mondaines. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، يا معشر المسلمين، المؤمن القوي هكذا يكون عالي الهمة مع توكل على الله، مع توكل على الله عز وجل، فعندها ييسر الله له أموره ويفتح له الأبواب، أبواب الخير. مع ذلك الأجر الذي يدخره له الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم وتكفير السيئات، لأنه من المتقين الذي يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله، فهو من المتقين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. او مسلمان، او croyant, le croyant fort est ainsi. Il a une haute motivation et il a une confiance totale en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera ses affaires. Il lui ouvrira les portes du bien, avec la récompense qu'Allah lui a réservée parmi les récompenses extraordinaires et l'effacement de ses péchés. Tout cela car il fait partie des muttaqin, des pieux. Il cherche ce qui lui est profitable. Il cherche l'aide d'Allah et donc il fait partie des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre au sens approché: et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable et il lui accordera une subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Méditez sur ces versets, mes frères. Méditez sur la parole d'Allah. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Est-ce qu'il ne médite pas sur le Qur'an? Méditez sur la parole d'Allah. Allah a descendu le Coran pour qu'on médite sur sa parole, pour qu'on réfléchisse et qu'on le mette en application. Allah Azza wa Jalla nous dit ici, au sens approché: quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Tu veux une issue favorable dans tes affaires? Crains Allah, obéis à Allah, soumets-toi à Allah et Allah va t'ouvrir la porte. Malheureusement aujourd'hui, nous, on va voir les créatures. On va voir les créatures pour avoir une issue favorable. Et on oublie le Créateur subhanahu wa ta'ala. Tu veux une issue favorable dans tes affaires? Crains Allah Azza wa Jal. Adore Allah seul. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran au sens approché: quiconque craint Allah, Allah lui facilite les choses. Quiconque craint Allah, Allah lui facilite les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sens approché: quiconque craint Allah, Allah lui efface ses fautes et lui accorde une grande récompense. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu crains Allah Azza wa Jal d'une véritable crainte. Tu obéis à Allah, tu mets en application ses ordres et tu t'écartes de ses interdits. Allah efface tes péchés. Allah te favorise tes affaires. Allahu Akbar. Fallah Allah ayyuhal mu'minun من الرجال والنساء والشباب والشيبان أن نكون على هذا المنهج القويم وأن نحذر من الضعف وأسباب الضعف كالعجز والكسل والجب والبخل وغير ذلك من الأمور التي تسبب الانهزام النفسي والضعف في النفس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأمور، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال. هذه عوامل تسب في مصب الانهزام النفسي والضعف، نعوذ بالله من ذلك كله. Ô croyant, parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les jeunes, parmi les anciens, prenons garde de la faiblesse et des causes de la faiblesse, telles que l'incapacité, telles que la paresse, telles que la lâcheté, telles que l'avarice, et autres parmi les choses qui causent l'échec de sa propre personne et qui causent la faiblesse. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre ces choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire « Oh Allah, je me mets sous ta protection contre les soucis, contre la tristesse, contre l'incapacité, contre la paresse, contre l'avarice, contre la lâcheté, contre le poids de la dette et contre la domination des hommes. » Ceci, mes frères, ceci sont les facteurs qui causent l'échec de sa propre personne et de la faiblesse. Et nous recherchons refuge auprès d'Allah contre toutes ces choses. ثم اعلموا ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبينا على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائل بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا قوي يا عزيز اللهم وأد دوائر السوء على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آله ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا اعتدلوا استووا